pas de basse, c'est mieux qu'on se chier. Pour une fois, je prends pas ma basse. Y'a pas de basse. Une petite basse, ça serait bien pour toi. Ça serait bien une petite basse. Bah, c'est vrai, c'est nul, hein. Thank you. un jour, j'irai là-bas. Un jour, je sais plus quoi. Oh non, oh non, oh. Et tu m'emmèneras, emmène-moi, emmène-moi. Un jour, j'irai à New York avec toi. Téléphone, vous connaissez ou vous aimez pas? Téléphone. Téléphone, pas, y a pas mon téléphone qui sonne. Oh, téléphone. Téléphone. Un jour, je serai à New York avec toi. Toute la nuit déconner. Pas de tempo. Manu, s'il se casse, il aime pas téléphone. Ah, c'est 140. Ouais, j'essaye de faire un morceau. Hein. Téléphone. Attends. Start, téléphone. Toute la nuit déconne. peu vite. We'll be right back. reviens. I go to another server just for record this. Thank you. I said the freezing cannot resist.

patata patate, pas de bande de défis, tu t'en papilles. Thank you.